Et voilà, les équipes sont de retour sur le terrain. On se retrouve donc pour la prolongation du podcast Culture Football. Merci à ceux qui nous ont écoutés, suivis sur la première partie que vous pouvez retrouver donc sur tous les supports, donc iTunes, Spotify, Deezer. Merci et un spécial remerciement à Didier Roustan qui nous a fait la gentillesse et la bienveillance qu'on lui connaît. D'avoir retweeté pour nous faire une petite promo pour le podcast. Quelle bienveillance, quelle légende. Voilà, donc on se retrouve avec donc, mes camarades encore. Donc Nicolas, donc Friul Connection, donc de Zone Mixte Nordisk, Geoffrey Poinlan de Yahoo, RMC, Eurosport et Tutti Quanti, et Jordan Bayol-Segev, qui est notre philosophe avec des grandes diatribes, mais il est très intéressant, notre Jordan. Voilà, on continue pour donc en parlant donc de l'Amérique du Sud, de la Copa América, et désolé, on parle un petit peu de la CAN. Malheureusement, on n'a pas pu aborder le sujet. On essaiera de revenir dessus un petit peu plus tard. Allez, c'est parti. Donc du coup, c'est intéressant parce qu'on vient de partir en Angleterre avec en Argentine avec le président de Leeds, le propriétaire de Leeds. On va du coup faire un petit tour, on va traverser complètement la planète pour aller un petit peu sur le continent sud-américain. On a eu une Copa América au Brésil cette année. Je voulais avoir un petit peu votre sentiment, vous, comment vous avez vécu cette Copa América. Nico, est-ce que tu t'as suivi cette compétition avec intérêt ou pas? De loin, je vais pas raconter d'histoire. J'ai regardé de loin, j'ai regardé quelques matchs par rapport aux horaires qui m'arrangeaient pas. Mais et surtout, c'est que pendant cette période, j'étais en vacances, donc même si j'étais sur le même continent, un peu plus au nord, mais ouais. j'ai pas pu regarder vraiment toutes les premières phases. J'ai plus regardé les quelques matchs de phase finale. Ce qui m'a surtout choqué, c'est la faiblesse quand même de cette compétition. On pourra peut-être parler tout à l'heure de la CAN, mais c'est pareil, on n'a pas. Ouais, on en parlera après. Donc, tout à fait. On monte sur les dernières compétitions internationales. On a eu un triptyque mondial CAN et Copa América qui est vraiment d'une faiblesse quand même assez importante. Et on est peut-être à un tournant avec l'importance des compétitions de clubs par rapport aux sélections nationales. Ouais, mais c'est vrai que la Copa América n'a pas été d'un super niveau cette année. Jordan, est-ce que tu as pu suivre un petit peu là? Tu étais sur un autre continent, tu travaillais, tu as pu te lever la nuit? Non, j'étais en Europe. J'ai essayé de suivre un petit peu la Copa América. Honnêtement, moi, ça m'inspire plusieurs réflexions. Il y a certes sur les compétitions internationales, mais déjà, si on réfléchit un petit peu sur le continent sud-américain proprement dit, ces compétitions qui n'en finissent jamais, où les équipes se jouent tout le temps, et finalement, ça n'avait presque d'intérêt qu'à partir des demi, quoi. On va, ça tourne en rond. Est-ce qu'il ne faudrait pas, je lance le sujet, il y a deux équipes dans le monde qui pourraient faire bien mieux, mais qui ne jouent finalement le haut niveau qu'assez rarement. Je pense au Mexique et aux États-Unis. Et je dis ça aussi parce qu'il y a la préparation d'une Coupe du Monde par là-bas qui quand même va commencer à se décider. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, la meilleure chose serait pas qu'au lieu de simplement aller inviter le Japon, je veux bien qu'il y ait une communauté japonaise en Amérique du Sud aussi qui est importante, je veux bien, mais pourquoi ne pas commencer à envisager que ces deux confédérations se rapprochent? Mettrait un petit peu de variété, de diversité, et peut-être ça créerait un petit peu, franchement, quand vous êtes au 12e Argentine-Brésil ou Colombie-Pérou, on tourne en rond, on ne peut plus suivre. C'était quand même, au-delà de ça, c'est assez faible. Je pense que c'est assez faible aussi parce que les milieux de terrain ont beaucoup de mal à aller vers l'avant, notamment le cas de l'Argentine. C'est sûr, quand on est Messi, quand on n'a pas les ballons, tout génial qu'on est, c'est quand même beaucoup plus difficile. Après, il y a eu en effet des choses un peu… c'est pas une belle année pour le football sud-américain au niveau des instances et même de l'arbitrage. Là, clairement. La demi-finale, bon, quand même un pénalty qui est assez évident. Et là, ce n'est pas de l'erreur humaine. On peut reparler du sketch Boca River. Ouais. C'est un. On sent très bien qu'il y a des problèmes d'instance. Et peut-être, c'est pour ça que je disais, est-ce qu'à un moment, il ne faut pas un petit peu emporter tout ça? Et donc, en effet, on a des équipes qui manquent d'automatisme parce qu'il n'y a, a plus trois Brésiliens qui jouent au Brésil. Donc, c'est difficile de trouver des équipes abouties. Et sur la dernière décennie, les équipes nationales qui avaient un football assez abouti, c'était l'Allemagne et l'Espagne. Pourquoi? Parce que vous aviez l'ossature Real-Barça et de l'autre, l'ossature Bayern. Donc, deux gens qui avaient un peu l'habitude de jouer ensemble. Et c'est probablement aussi... On paye vraiment la Rebosman dans le football international parce qu'on a des joueurs qui ont peu d'automatisme face à des équipes très regroupées. Et en plus, quand on est un peu court physiquement avec des cadences très très élevées, bah, on va jouer sur la faute plus que sur le talent et sur l'efficacité. Et oui, Deschamps, c'est pas beau, mais peut-être que malheureusement, c'est lui qui a tout compris dans la circonstance actuelle. Et il s'est fait, et je crois qu'il l'a dit, je me suis fait avoir une fois en 2016, pas deux. Je vais aller dans ton sens, hein, Jordan. Moi, clairement, en fait, aujourd'hui, maintenant, les équipes nationales, quand elles se préparent sur une compétition internationale, aujourd'hui, avant, il y avait un stage de préparation où il y avait des automatismes, les joueurs s'en connaissaient, ils jouaient un petit peu ensemble dans les clubs. On avait souvent en équipe de France des joueurs de Bordeaux, des joueurs de Marseille, des joueurs de Nantes. Aujourd'hui, les stages de préparation, c'est des stages de récupération. C'est plus du tout des stages d'osmose dans le collectif. Donc, effectivement, on arrive à de plus en plus de haute compétition avec des équipes type Ligue 1 bien en place où en fait il faut être solide parce qu'on n'a pas eu le temps de créer des automatismes pour créer du jeu. Après moi ce que j'ai vu c'est une usure physique des joueurs avec un calendrier complètement incroyable. Venir imposer une Copa América comme ça au milieu du... Parce qu'il y en a, il y en aura une autre l'année prochaine hein, je crois de mémoire. Hein, je crois que, oui je crois qu'il y en a... mais qu'il y en a, ça ne rime plus à rien les rythmes de la Copa América. La coupe du centenaire, la coupe de l'anniversaire de la grand-mère du fondateur, enfin ça n'a plus aucun sens. Oui mais maintenant respectons la grand-mère du fondateur, s'il te plaît. Et par contre, il y a un truc qui est quand même très important, c'est que tu disais, il y avait effectivement une forte communauté japonaise au Pérou. Dans quel pays d'Amérique du Sud, il y a une forte communauté qatari? Enfin, je veux dire, je me pose juste la question, parce que là j'avoue ne pas comprendre, je suis désolé. Effectivement, je vais alors ton idée, la Copa América doit être celle du continent américain, et je pense que ça peut être une compétition super intéressante, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a aujourd'hui des équipes qui n'ont plus du tout la même identité, des équipes comme la Bolivie qui sont complètement délités alors qu'à l'époque la Bolivie on avait des équipes complètement incroyables avec des Boliviens purs Boliviens qui jouent en Bolivie et qui nous surprenaient à chaque fois quand ils arrivaient dans une compétition ou lors des éliminatoires notamment dans les matchs en altitude. Mais enfin la fatigue des joueurs c'est incroyable. Et surtout vous avez vu il y a une réforme pendant cette coupe qui a été complètement incroyable, c'est l'absence de prolongation. Oui, ce qui est bien que tout le monde est resté derrière. Exactement. Alors là, on ferme le jeu, je suis désolé, mais je sais pas, t'en penses quoi, Geoffrey, t'en penses quoi, toi? Moi, pour avoir vraiment regardé, allez, on va dire, presque tous les matchs, il y a juste 2-3 matchs que je n'ai pas regardé, mais je me suivais toutes les nuits pour regarder les matchs et regarder. C'était un petit peu une aberration sur plusieurs facteurs, cette Copa América. Donc vous en avez parlé du Qatar, la présence du Qatar et du Japon. Donc en fait, il faut savoir que au début, ils voulaient ils voulaient inviter le Mexique et les États-Unis, qui sont les deux pays qui viennent régulièrement en Copa América depuis qu'elle se joue à 12, depuis 1993. Évidemment, le Mexique et les États-Unis jouaient à la Gold Cup, donc ce n'était pas possible. Fallait d'où l'idée de rapprocher les confédérations, parce que la Gold Cup, c'est quand même une blague. C'est ça, exactement. Bon, après, pour le choix du Japon et du Qatar, enfin surtout pour le Qatar, je vous laisse évidemment à votre idée et à votre avis, donc je pense qu'on sera tous à votre avis. Il doit y avoir une petite communauté qatari auprès de la Fondation Neymar au Brésil, je pense. Peut-être, c'est même sûrement ça. Cette compétition, donc là tu parlais, l'absence de prolongation, alors elles sont venues en demi-finale, et pareil, enfin je veux dire, des prolongations qu'à partir des demi-finales, ça rime plus à rien. Enfin, quand on rentre dans la phase d'élimination directe, voilà, la Copa América, c'est pas la Coupe de la Ligue où on met voilà, où c'est des tirs au but juste après le match ou des matchs amicaux de préparation. C'est une grosse compétition qu'on a amené finalement à en été. Alors en été, pourquoi? En fait, c'était pour se calquer sur le calendrier Euro et ne pas un petit peu perturber les joueurs un petit peu sud-américains des clubs européens, bah comme la CAN d'ailleurs. La CAN a été complètement en été pour un petit peu se calquer sur l'Euro pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Et par contre, au niveau de la compétition, c'était d'un niveau un petit peu assez affligeant. Donc, hormis mon coup de cœur sur le Pérou, alors pas vraiment sur le jeu pratiqué plus. Ah ouais, pitié, oui. Mais sinon, le Brésil, oui. Alors, le Brésil est apparu très solide, etc. Mais quand on regarde vraiment les vainqueurs, par exemple, la France en 2018, le Brésil, là, en 2019 à la Copa América, ce sont des vainqueurs finalement qui ont été très solides et qui ont joué finalement les coups à fond offensivement. Pour réhabiliter quand même la France de 2018, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être très critique, son total de buts en phase finale est assez stratosphérique. Ah. Oui, mais enfin bon, mettre 5 buts à l'Argentine dans des conditions dont on a vu, sincèrement, c'est pas. Moi personnellement. Oui, mais tu mets 4 buts en finale, tu mets des buts quand même. Et tu as d'autres vainqueurs qui n'ont pas forcément mis plus de buts, loin de là, mine de rien. C'est clinique, c'est efficace. Le Brésil, c'est vrai qu'il n'était pas enchanteur dans cette Copa América. Je pense même que ce n'était pas forcément la meilleure équipe. Il a été très efficace. Il a été là où on l'attendait. Et puis, il a aussi répondu à son statut de favori puisque c'était au Brésil. Mais surtout, c'était d'un niveau affligeant. Et puis, les mecs sont rincés, en fait. Les mecs sont rincés. Ils n'ont même pas le temps de digérer la saison. Il faut qu'ils repartent en préparation, en match amico, en match de préparation, en compétition. Après, leur compétition se termine. Ils prennent 2 à 3 semaines de vacances. Il faut qu'ils reviennent après, se réacclimater auprès de leur club, reprendre leur souffle, etc. Repartir un peu en match amico pour ceux qui reprennent pas. Je veux dire, c'est des cadences infernales. Ça ne vous interpelle pas que le meilleur joueur, ça soit Dani Alves? Ça fait quand même peur. Ouais, c'est un joueur qui a joué une demi-saison. Ouais, il a été blessé. Il a pas joué tous les matchs. Ouais. Il revient de blessure contre Liverpool au Parc quasiment. C'est ce moment là où il revient. Donc il loupe quand même. Il joue pas tous les matchs. Si les meilleurs joueurs, un, c'est que ça va pas non plus à une vitesse folle. Et deux, c'est qu'il est quand même aussi que les autres sont aussi carbo. Ça n'en revient au talent du garçon. Mais c'est peut-être un indicateur aussi. Hein, c'est un très bon footballeur. Mais on peut quand même se poser, quand c'est lui le meilleur joueur d'une compétition comme ça, on peut se poser des questions aussi, des causes qui ne sont pas que son talent et sa volonté intrinsèque. Mais je pense qu'on s'est surtout, à niveau de la CONMEBOL, on s'est surtout appuyé sur le match le plus attendu de la Copa, le Brésil-Argentine, où il a fait vraiment un phénoménal, où finalement, les autres matchs, il a fait le taf, mais je veux dire, on a fait sans plus, il a fait un match exceptionnel contre l'Argentine. Je pense que la CONMEBOL a. Où il concède un pénalty, néanmoins, non sifflé. Oui, bien sûr. Mais par rapport à la CAN, on raconte un petit mot après sur ça aussi. Mais voilà, là, on voit vraiment, par rapport au siècle dernier, que les compétitions internationales ne sont plus du tout le juge de paix des niveaux du football. C'est clairement vraiment la Ligue des Champions. Et uniquement la Ligue des Champions. Alors qu'avant, quand on regardait vraiment les Coupes du Monde. D'après-guerre jusqu'à 98, c'était vraiment la Coupe du Monde et les matchs de sélection officiels qui étaient vraiment le juge de paix. Alors, on a quand même eu quelques grandes compétitions internationales. Je pense que l'Euro 2000 touche quasiment dans les très très hauts top des grandes compétitions qu'on ait vues. C'était assez incroyable. Il y a 19 ans maintenant, hein, Jordan. Faut pas l'oublier. Je pense qu'on a des compétitions assez dégueulasses. On a le l'Euro 2004, la Coupe du Monde 2006 c'est intéressante, mine de rien. Oui, bien sûr. Il y a quand même des choses qui se passent, même la Coupe du Monde au Brésil, il s'est passé des choses, c'était quand même pas pathétique dans le niveau jeu. Il y a une cassure quand même récente, c'est l'Euro 2016, parce qu'on sent que les équipes de possession, elles s'embourbent, elles manquent un peu de verticalité. En effet, on a moins de jus, on a moins de repères. L'Euro 2016, voilà, c'est très. On va voir ce que va donner ce deuxième Euro surchargé. Oui. Parce que de voir justement. Finalement, moi, le meilleur souvenir que j'ai de l'Euro 2016, je vais vous dire, c'est les supporters nord-irlandais, gallois. Voilà, c'est probablement ce qu'il y avait de plus sympa dans cet Euro, qui a quand même eu un paquet de purges, et dont je me demande si le meilleur match n'était pas l'Italie-Espagne. C'était pour, tellement l'Italie a fait une prestation défensive, comme quoi c'est pas toujours aller n'importe comment de l'avant qui est beau. La prestation de l'Italie était incroyable. Incroyable d'intelligence, de maîtrise. De... Moi, franchement, pour moi, c'est un. Ce match-là était probablement le meilleur de l'Euro, quoi. On verra ce que fera le football italien lors de la prochaine lors de l'Euro. On verra ce que ça donnera. Mais moi, pour revenir sur l'Argentine et le Brésil, moi, ce qui me gêne le plus, c'est ce que je constate, c'est qu'on a de moins en moins de joueurs qui ont une identité qui correspond à ce qu'on se fait du pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Argentins ne sont plus capables de former des joueurs techniques ou même des joueurs un peu aboyeurs comme on pouvait avoir avec une certaine Grinta. Et du côté du Brésil, à force de jouer contre nature, on a des joueurs qui partent à l'âge de 18-19 ans en Europe. Je sais pas, Nico, comment tu as peut-être plus de recul là-dessus, mais j'ai vu cet après-midi, je me suis renseigné, Gabriel Barbosa, Gabigol qu'on appelle. Ce gamin a 18 ans, il vient à l'Inter, il part à l'Inter, c'est une star à Santos, 18 ans, il part à l'Inter, il se crache complètement, il vient de perdre 3 ans de sa vie, il a joué 15 matchs en 2 ans. C'est complètement incroyable quand même. Enfin, Nico, comment tu vis ça? Il y a beaucoup plus en plus de jeunes joueurs qui viennent en Italie, ce qui n'était pas tout à fait le cas à l'époque, enfin, en tout cas dans l'histoire du football italien. Bah, les jeunes joueurs viennent en Italie, mais ne jouent pas déjà, parce voilà. Que les clubs ne font pas confiance aux jeunes. On vient le voir avec le transfert de Moïse Kean de la Juve à l'Inter, ouais. De la Juve à Everton, pardon, excusez-moi. Ouais. Mais oui, effectivement, mais de toute façon, tout ce que vous venez d'évoquer n'est que la conséquence de l'arrêt Bosman avec les transferts de joueurs à gogo, la standardisation du football. Comme tout le monde vient jouer en Europe, tout le monde joue à l'européenne. Et maintenant, effectivement, il y a deux écoles. Il y a l'école de possession ou alors l'école du contre. On fait un bloc bas et on contre. Ah, c'est totalement aseptisé, hein, tout à fait. Même si, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la Ligue des Champions, je trouve qu'il y a quand même un style Première Ligue avec ce côté très percutant, très impact, et qui, mine de rien, a fait du bien. Parce qu'en effet, franchement, on a des choses très stériles. Puis pour des joueurs, en effet, comme Gabigol, il n'y a plus vraiment ces clubs d'atterrissage en Europe, comme l'ont été, par exemple, à Eindhoven. Pour parler d'attaquants brésiliens, on a quand même deux pas trop mauvais qui passaient par Eindhoven, entre guillemets ils se faisaient les dents. Alors on va quand même rappeler qu'on parle de Romario et Ronaldo, ce qu'on appelle le vrai. Voilà, voilà. Mais tu as des joueurs de ce calibre qui justement montaient les paliers. Et aujourd'hui aussi, avec les baby stars, on a l'impression que si un joueur n'a pas explosé à 24 ans, il n'explosera jamais. On ne peut plus imaginer un joueur à explosion tardive. Ça n'existe plus dans la tête des gens. On le voit aussi avec les politiques de transfert des clubs. Hein. C'est maintenant, on fait du trading, donc on mise sur un potentiel. On met cher sur un potentiel parce que maintenant, tout le monde veut des jeunes pour pouvoir après les faire de la post-formation et les revendre encore plus cher. Et effectivement, il y a forcément du déchet. Hein. Voilà, Gabigol en fait partie. C'est pas forcément un mauvais joueur, mais il était peut-être trop jeune pour arriver dans le championnat italien, à l'Inter qui était en phase de reconstruction, et ça donne après des accidents industriels comme ça. Et là, il est parti se relancer du côté de Sao Paulo. Après, voilà, peut-être qu'il fera une carrière en Europe, mais il a. Regardez un garçon comme Thiago Silva pour prendre un poste défensif. Thiago Silva, au début en Europe, ça se passe pas bien. Non. Ça a mal en plus, il a eu ses problèmes de santé. Voilà. Il s'est refait une santé dans tous les sens du terme. Et puis avec le temps, il a quand même réussi à être plutôt dans les très bons défenseurs européens. Mais est-ce qu'il faut griller? Voilà, est-ce considérer qu'un joueur, si tout le monde n'est pas Kylian Mbappé, quoi. Voilà, tout le monde n'est pas à 20 ans déjà dans le top. Il y a des gens, c'est un peu plus long, ça éclot un peu plus longtemps. Et mine de rien, c'est pas pour ça qu'on est cuit. Aujourd'hui, voilà, on a l'impression qu'un joueur à 24 ans, si c'est pas une superstar, il ne sera, voilà, si, il ne sera jamais. Et il faut peut-être retrouver la valeur du temps, la valeur d'un parcours qui est bien construit, d'arrêter de se dire « Ah, le train du Real, il repassera pas ». Ben non, il peut repasser. Parce que si c'est aller au Real, je suis désolé, Julien Faubert, il est joué au Real. Voilà. Tu peux prendre un exemple, hein. On parle de Brésilien, on parle de Robinho. Robinho, il a quand même juste complètement caché sa carrière en allant au Real comme ça. Hein. C'est beaucoup trop jeune. C'est beaucoup trop jeune. Et accessoirement… Le Norvégien. Robinho au Real. Odegaard, oui. Ouais, il enchaîne les prêts. Ça va, l'année dernière, ça s'est bien passé avec le Vitesse Arnhem. Mais là, cette année, il est parti en Allemagne. À suivre. Et tu vois, à force de partir trop jeune et tout ça, on ne sait pas quel va être le sujet. Inversement, une des plus belles réussites que je connaisse au Real, c'est Claude Makélélé, qui est arrivé en montant les étapes. Oui. Et qui, voilà, et s'est installé. En changeant de poste. Et en changeant de poste. Il arrive en Espagne, il change de poste. C'est au Celta Vigo qui l'est repositionné milieu défensif axial, parce qu'au début de sa carrière à Nantes, il jouait plutôt milieu latéral, un peu genre de faux ailier là sur le côté droit. Il sort d'une saison catastrophique à l'OM. Hein, faut pas... Exactement. Ouais. Bah, il est transféré et ça marche. Et inversement, prenez un garçon aujourd'hui comme Florian Thauvin, qui a des statistiques plus que correctes. Qui n'est pas, à mon avis, le moins doué et le pire garçon à gérer. Parce qu'il est parti dans un plan foireux il y a quelques années en Angleterre. Il a une étiquette sur la tête. Oui, on l'a fait partir. Mais il s'y est retrouvé. Il a une étiquette sur la tête. Il ne saura pas s'adapter à un club, à un autre club. Il n'est pas joueur Ligue des Champions. On lui colle ça parce qu'en effet, le parcours a été mal construit. Et voilà, et c'est un peu dommage d'avoir perdu cette école du temps. Alors, puisqu'on parle de donner sa chance aux jeunes, moi, j'aimerais bien avoir un petit peu le ressenti de Geoffrey, parce que franchement, quand on est fan de Manchester United, contrairement aux idées reçues, s'il y avait bien un entraîneur qui lançait des jeunes, c'était bien Sir Alex Ferguson, Geoffrey. Ah bah bien sûr, bah, et puis c'était un petit peu aussi sa marque de fabrique, au-delà de son statut de manager, de grand manager, plus un manager qu'un tacticien, évidemment. Il n'était pas vraiment reconnu pour ça, mais plus un rôle d'un grand manager et d'un grand communicant. Oui, bah, il n'avait pas bah, on parle évidemment surtout de la classe de 92 avec les Beckham, les frères Neville, Giggs, Butt, etc., Scholes. Mais il n'hésitait pas à lancer les jeunes et à les intégrer un petit peu dans le moule. Au-delà, après, avec les joueurs de classe mondiale. Et justement, après, il en faisait des joueurs de classe mondiale. Et c'était un petit peu aussi sa marque de fabrique à lui, au-delà de son statut aussi de gagneur. Il a lancé un petit portugais à l'époque aussi, un petit ailier gauche. Oui, un petit ailier gauche qu'il avait vu. Bah, ça va faire, ça fait 13 ans. Non, ça fait 16 ans. 16 ans jour pour jour aujourd'hui que. Il y a eu le match amical contre le Sporting où on a vu pour la première fois CR7, match amical où on a été sous son charme, etc. Mais même au début, et ça beaucoup de personnes l'oublient, c'est que les trois premières années de CR7 à United, c'est pas franchement ça. Hein. Il avait la balle, alors il tricotait. C'était un pur ailier, évidemment. Mais il tricotait, il faisait beaucoup de dribbles, etc. Ce qui a amené les fureurs de Roy Keane, du grand Roy Keane, qui lui avait gentiment dit mon petit, tes dribbles, tu peux les mettre où je pense. Ici, on n'est pas là pour ça, on est là pour la gagne et être guerriers sur le terrain. Alors, si tu amènes tes dribbles avec cette niaque-là, pourquoi pas, mais tu tricotes pas ici. Quoi. Et puis, ce n'est pas le pays vraiment pour ça. Finalement, il a transformé son jeu, il s'est adapté pour complètement exploser et faire trois dernières années magnifiques. Il a dribblé, certes, mais voilà, il s'est vraiment adapté au foot anglais. Est-ce que la mentalité de compétiteur qu'on connaît à Cristiano Ronaldo aujourd'hui, d'incroyable professionnel et voilà, de magie, est-ce qu'il n'y a pas encore ces graines qu'il a eues avec Ferguson, à United, de cette mentalité absolument de machine qui fait de lui le joueur quand même au succès incroyable qu'on connaît, quoi. Je pense qu'il y a cette engeance Manchester toujours en lui. Oui, non, ça part de là forcément. Après, il ne faut pas oublier non plus aussi sa formation au Sporting. Mais bon, au Sporting, c'était encore toujours un petit fierfou, un petit foufou, tu vois, qui n'était pas vraiment cadré. À United, voilà, il a vraiment trouvé le club qui lui allait et le cadre qui lui allait avec les joueurs à côté de lui. Pour bien à côté de lui, il y avait quand même Van Nistelrooy, il y avait quand même Keane qui était là. Voilà, Giggs, Scholes, enfin, tous ces joueurs-là l'ont cadré, Gary Neville, et Van der Sar aussi qui est arrivé ensuite. Voilà, c'était vraiment ça, il a réussi à être cadré, et surtout après, voilà, il a complètement explosé. Mais voilà, on parle de Ronaldo parce que c'est l'un peut-être des plus marquants de son ère, mais quand Cantona, bon, à un certain âge quand même, mais quand il est arrivé à United aussi, au début... c'était compliqué, les 2-3 mois, il fallait qu'il s'adapte. Et puis, bah voilà, quand on connaissait le caractère trempé de Cantoche et puis celui de Ferguson, c'était compliqué. Et puis, bah, finalement, après, voilà, c'est devenu un joueur exceptionnel jusqu'à la fin de sa carrière en 97, quoi. Mais non, Sir Alex a toujours été très fort en ça. Alors, il y a eu quelques loupés, notamment le fameux Makeda Bébé, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, mais c'était le mec du football de rue. Non, oui. La Coupe du Monde des SDF, non ? La Coupe du Monde des SDF, je crois. Ouais. Mais après, voilà. Il y a forcément quelques ratés. Il y en a forcément pour des grands entraîneurs. Mais je veux dire, voilà, les nombres de ratés de Ferguson en tant que jeune par rapport à tout ce qu'il a ramené. Voilà, et puis justement, des entraîneurs comme ça, je veux dire, au-delà de ce que peut être Ferguson, ils donnent vraiment leur chance aux jeunes dans des grands clubs. Ah voilà, il y a la culture du résultat et du résultat instantané parce qu'il faut être dans les premiers, etc. Bah maintenant, ça n'existe plus vraiment, quoi. Mais d'ailleurs, l'une des grandes, on parlait tout à l'heure de culture des clubs, des grandes marques de United sur toute cette période, c'est d'être un petit peu l'équipe des Lions britanniques, quoi. C'est l'équipe du Royaume-Uni. C'est des Anglais, des Irlandais, le Gallois... Et voilà, auquel on met une ou deux très grandes ou futures grandes stars internationales. Mais il y a quand même cette identité d'avoir une équipe de Britanniques. On a l'impression que ça a beaucoup déréglé United de quitter cette identité-là. Complètement. Et puis quand tu vois après les arrivées de joueurs étrangers, et puis surtout sud-américains, quasi aucun sud-américain, allez, à part peut-être Carlos Tevez, mais il est resté que deux saisons. Aucun Sud-Américain ne s'est imposé à United. Donc, quand j'entendais parler d'un échange avec Dybala, Lukaku, évidemment, Dybala, c'est un talent exceptionnel. Mais est-ce qu'il allait vraiment s'intégrer à United dans un club très particulier ? Et ce club, bah oui, comme tu l'as dit, a toujours eu une assise britannique. Donc, évidemment, la rébellion de ça. Mais même après, on restait beaucoup sur du britannique, de l'anglais, de l'écossais, de l'irlandais, du gallois. Et on avait deux, trois joueurs étrangers qui amenaient un peu tout ça et qui amenaient un petit peu de folie hors football anglais. Et finalement, bah oui, après, ça a complètement explosé. Même vers la fin de Ferguson, il y avait moins en moins d'anglais. Et puis bah, après, depuis que Ferguson est parti, on a complètement perdu ça au point d'aligner vraiment des 11 types où il y avait un ou deux anglais maxi sur la pelouse. Voilà. Quand on est supporter Sancho. De Sancho. Voilà le futur. Ouais. Sancho. Sancho, on a voulu le ramener, mais bon, sans Ligue des Champions, et puis bon, par rapport au prix que Dortmund avait posé, compliqué, quoi. Et puis bon, voilà, il a 18 ans, le môme. Bon, après, je pense que l'histoire de Manchester United, elle est là, elle est écrite. Aujourd'hui, ce club est en légère difficulté, mais bon, ils sont quand même encore cinquième ou sixième du championnat d'Angleterre de façon régulière. On espère quand même que, je crois que vous avez gagné une Ligue Europa il y a 2 ans, je crois, hein, de mémoire, hein, deux ans, trois ans. En 2017, et on rejoignait le quota des clubs européens qui ont gagné à la fois la C1, la C2 et la C3. La C3, oui, tout à fait. Je me rappelle de cette C3. Je me rappelle d'un match épique contre Montpellier, je crois, quelque chose comme ça, dans les années 80, quelque chose de complètement incroyable. Voilà, je... On arrive évidemment en fin de soirée et moi je commence à ressortir mes vieilles anecdotes et ça pourrait durer très très longtemps si vous me laissiez faire. Je vois que Nicolas m'envoie un petit message en privé, il a tout à fait raison. On est en train d'exploser les blogs de Didier Roustan, mais bien évidemment, on le savait, on est tous des enfants de Roustan, donc forcément on savait très bien. On va essayer de conclure un petit peu ce moment passé ensemble. On va pas vous cacher, hein, les auditeurs, on avait connu quelques problèmes techniques au départ. Peut-être que on n'a pas enregistré ce podcast exactement comme on voulait le faire. Peut-être que le son sera pas exceptionnel pendant tout le temps. On essaiera de s'améliorer pour la suite. On essaiera peut-être de parler, d'être un peu moins, d'être un petit peu plus court. Mais quand on a des idées et quand on a envie d'exposer une idée et faire passer un message, effectivement, il faut prendre le temps. Et nous, on a le luxe de pouvoir avoir le temps. Donc, j'espère que vous avez pris tout plaisir à faire ce podcast, malgré les conditions difficiles au départ. Nico, toi qui m'as si bien interpellé sur la durée de notre podcast, est-ce qu'un petit mot pour la fin, s'il te plaît. Par quoi veux-tu finir ? Écoute, moi je veux finir en vous remerciant déjà de faire partie de cette équipe. C'était un vrai plaisir d'enregistrer malgré les quelques pépins logistiques du départ. C'est très agréable d'échanger avec vous et j'espère que ça aura plu à nos auditeurs. On espère s'inscrire dans la durée et donc on a encore plein d'autres podcasts pour échanger tous ensemble. Voilà. Jordan, merci Nico. Bah oui. Ouais, moi je voulais dire oui, remercier aussi ceux qui nous ont permis de nous rencontrer, parce que voilà, c'est aussi le football, c'est de la transmission, c'est de la passion, et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette petite émission ce soir, de faire passer un peu notre passion et montrer que le foot, ben le but du foot, c'est ni le mercato ni le ballon d'or. Que le but du foot, c'est un jeu, c'est un sport. Mais voilà, que le but d'un match, c'est pas de savoir si un tel ou tel va changer de club l'année prochaine ou a gagné, comme ça a été un peu un des problèmes d'ailleurs de la CAN et de la Copa América, savoir si ça allait provoquer le ballon d'or. Non, c'est d'autres émotions, le football. Puis j'espère que dans d'autres podcasts, on va avoir la possibilité de vivre, de faire vivre ou de revivre des émotions de la sorte. Pas mieux. Geoffrey ? Déjà, je vous remercie déjà à vous et puis surtout par rapport à notre rencontre dans la soirée Zone Mix qui nous a permis vraiment d'échanger et puis d'adhérer tout de suite les uns les autres par rapport à notre passion et l'amour qu'on a pour ce fabuleux sport. Voilà, j'espère qu'au niveau, à partir de ces podcasts, on va pouvoir bien débattre, parler, être d'accord, pas d'accord. Et surtout prendre beaucoup de plaisir, comme peuvent dire évidemment les footeux à travers la caméra, à travers une victoire ou une défaite d'ailleurs. Surtout prendre beaucoup de plaisir à travers ces podcasts et puis surtout à enchanter nos auditeurs par rapport à nos sujets. Moi, j'accorde, mais je sais que vous aussi, beaucoup d'importance à l'histoire du football et que le football de maintenant, il s'explique par le football du passé. Et voilà, et qu'on pourra avoir beaucoup d'émissions et à revenir sur des coupes du monde, sur des épopées européennes, sur des équipes des années d'avant, que ce soit européenne ou même en France. Et même des débats assez compliqués à gérer et à débattre justement actuellement, donc par rapport surtout au VAR. Mais voilà, je vous remercie beaucoup surtout d'avoir fait partie, de faire partie de cette aventure. Et j'espère qu'il y aura d'autres. Ce podcast-là va en appeler d'autres. Merci les gars. Clairement, merci pour tous ces messages. Effectivement, vous l'avez dit, le football, c'est du partage, c'est du plaisir. Comme le dirait Laurent Voulzy et Véronique Jeannot, c'est aussi des souvenirs, effectivement. On termine ce podcast avec tous le sentiment qu'on a essayé de faire passer une idée, notre idée du football, notre vision du football. Bien évidemment, on ira peut-être sur des sujets un petit peu plus pointus à l'avenir et de façon moins généraliste. On espère que, en tout cas, pour tous ceux qui ont été au bout de ce podcast, qui a duré à peu près 3h45 en exagérant un peu des choses, on espère qu'en tout cas on vous retrouvera et vous nous suivrez, et surtout tous vos commentaires, tant qu'ils sont bienveillants, des critiques constructives et positives, voire même négatives, mais bienveillantes. Bien évidemment, on vous attend sur Twitter. On fera pas mal de promotions autour de ce podcast et on a vraiment envie d'avoir votre ressenti. Et puis un jour, pourquoi pas, la bande pourra, de façon épisodique ou permanente, s'agrandir. Voilà, merci messieurs. On vous souhaite toutes et tous une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Culture Football.